L'amour à Paris ne ressemble en rien aux autres amours. Ni les hommes ni les femmes n'y sont dupes des montres, pavoisées de lieux communs, que chacun étale par décence sur ses affections soi-disant désintéressées. En ce pays, une femme ne doit pas satisfaire seulement le cœur et les sens. Elle sait parfaitement qu'elle a de plus grandes obligations à remplir envers les mille vanités dont se compose la vie. Là, surtout, l'amour est essentiellement vantard, effronté, gaspilleur, charlatan et fastueux. Si toutes les femmes de la cour de Louis XIV ont envié à Mademoiselle de la Vallière l'entraînement de passion qui fit oublier à ce grand prince que ses manchettes coûtaient chacune 1000 écus quand il les déchira, pour faciliter au duc de Vermandois, son fils naturel, son entrée sur la scène du monde, que peut-on demander au reste de l'humanité? Soyez jeunes, riches et titrés, soyez mieux encore si vous pouvez. Plus vous apporterez de graines d'encens à brûler devant l'idole, plus elle vous sera favorable, si toutefois vous avez une idole. L'amour est une religion, et son culte doit coûter plus cher que celui de toutes les autres religions. Il passe promptement, et passe en gamin, qui tient à marquer son passage par des dévastations. Le luxe du sentiment et la poésie des greniers. Sans cette richesse, qui deviendrait l'amour? S'il est des exceptions à ces lois draconiennes du code parisien, elles se rencontrent dans la solitude, chez les âmes, qui ne se sont point laissées entraîner par les doctrines sociales, qui vivent près de quelques sources aux eaux claires, fugitives mais incessantes, qui, fidèles à leurs ombrages verts, heureuses d'écouter le langage de l'infini écrit pour elles en toutes choses et qu'elles retrouvent en elles-mêmes, attendent patiemment leurs ailes en plaignant ceux de la terre.